Yeah, FRG plein de remords, yeah, yeah. Elle n'avait pas le choix de m'oublier vraiment, même si elle m'avait dit que c'était fini à avoir à faire un tel choix. Elle n'avait pas envie de me voir souffrir, mais au fond faut que je me dise que c'était avant, que c'était juste une étape et qu'il faut oublier. J'ai rêvé tant de choses avec toi, j'avais tant de haine envers toi, yeah. Bibi, arrête, tu savais que je pouvais rien y faire. Maintenant je peux te retenir, mais j'ai plus la force. Tu sais que c'est ta vie, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai de cette mauvaise passe. Mais tu n'avais pas envie de me voir souffrir. T'inquiète, ce qui m'importe c'est ton bonheur, c'est ton choix. Si tu es parti, sache que je le respecte. Tu peux me faire confiance, même si j'ai fait trop de mal. Je le sais, je le regrette, fallait que ça soit fini pour que je comprenne. Si je pouvais tout recommencer, je sais que tu aimes une autre personne et que tu es persuadé que c'est l'homme de ta vie. Mais ne t'excuse pas si j'ai mal, car j'étais trop égoïste, tu sais. Plus rien ne me fait mal, car j'étais moi-même le mal. Pourquoi Lula n'est plus avec moi? Je suis là et c'est comme ça, et aujourd'hui je vis ma life. Sache que je t'ai aimé, que tu m'as fait déprimer. Mais il faut vivre avec, c'est bien pour toi. Réussis ta vie en couple, prends soin de ton gosse, c'est cool, ce sera pour toi. Yeah. À cause de toi, je n'étais plus le même. Tu passais avant ma famille, j'ai honte de cette situation. Un peu je le reconnais, ça m'a servi de leçon. Et pourtant c'est vrai, le passé c'est le passé, faut vivre dans le présent, point c'est tout. Elle s'est servie de moi, j'ai vu les billets que j'ai sortis pour elle. Je le sais, je le conçois, l'erreur est humaine. L'amour m'a aveuglé, pourtant je le regrette. Mais j'ai réagi, t'inquiète, je veux juste avoir une deuxième chance. Que tu révises sans jugement, mais je n'ai pas le choix. Oublié de vivre avec toi, mais pourtant j'y croyais vraiment. Je rappe mes malheurs pour me sentir mieux, car je reste mélancolique anonyme. J'ai plus envie de toucher le fond, mais envie de réussir. C'est dur mais j'arrive, grâce à mes potos, grâce à ma famille. Je peux juste dire que je peux t'oublier maintenant, Amandine. Une histoire banale, pour que chaque jour compte, vis ta life au jour le jour. L'important c'est d'y croire, moi j'y croyais vraiment. Pour que chaque jour compte, je vis ma life au jour le jour. L'important c'est que j'y crois, parce que beaucoup n'y croient plus vraiment. FRG, pas de discours pour Amandine. Un amour volé perdu, un cœur détruit. 009 Pierre.